16, activation orale, forme masculine et féminine. Faisons le portrait des deux jeunes gens. Pour l'exercice, ils vont se ressembler. Ils vont même être identiques. Exemple. Vous entendez... 1. Mireille va être petite. Et alors vous dites... Alors, Robert va être petit, lui aussi. Allons-y. 2. Mireille va être grande. Alors, Robert va être grand, lui aussi. 3. Mireille va être grosse. Robert va être gros, lui aussi. 4. Mireille va être rousse. Alors, Robert va être roux. 5. Non. Mireille va être brune. Bon, Robert va être brun. 6. Non, Mireille va être blonde. Et Robert va être blond. 7. Mireille va être intelligente. Alors, Robert va être intelligent, lui aussi. 8. Mireille va être idiote. Alors, Robert va être idiot. 9. Mireille va être sérieuse. Robert va être sérieux, lui aussi. 10. Mireille va être moqueuse. Robert va être moqueur aussi. 11. Mireille va être méchante. Très bien, Robert va être méchant, lui aussi.